ciel nettoie la crasse. Attends l'apocalypse, attends quelques secondes, attends que la mort te fixe à la fin du monde. On est sur le bon chemin, mais dans de sales draps. Facile de prévoir le destin dans 10 ans ou 3. Alors que l'homme est à son apogée, crois-tu qu'il existe un paradis sur terre et à quel endroit? Je remets en cause les mauvais choix, du nucléaire au pétrole en passant par le laxisme dans le droit. Y'a plus de saison et si j'ai tout le temps froid, démerdez-vous, c'est chacun pour soi. Moins égoïste, j'ai une pensée pour toi, qui est mal placée sur l'échelle, qui est une croix. Les décideurs n'ont pas la même vue sur le toit. Ils nous demandent en cas de crise d'avoir la foi. Si tu veux saccager la planète, continue comme ça. On est sur le bon chemin et dans de sales draps. Pareil que c'est gravé dans la roche que tu ne tueras pas. Du présent, je contemple l'avenir avec effroi. Attends que l'orage gronde, attends la fonte des glaces. Attends que la mer monte et qu'elle nettoie la crasse. Attends l'apocalypse, attends quelques secondes. Attends que la mort te fixe à la fin du monde. Attends que l'orage gronde, attends la fonte des glaces. Attends que la mer monte et qu'elle nettoie la crasse. Attends l'apocalypse, attends quelques secondes. Attends que la mort te fixe à la fin du monde. J'ai pas les solutions, juste des constats. C'est le diable qui a fait l'homme à son image, enfin je crois. Dénoncé par l'écriture, des fois je me demande si je dois le faire. Au moins je fais quelque chose de mes 10 doigts. Si l'enfer était un lieu, je dirais que c'est ici-bas et que le paradis est aux cieux. Ce que l'hygiène est au rat, sans doute juste un rêve, une chose qui n'existe pas. L'espoir est obligatoire quand la vie est un combat. On est sur le bon chemin, mais dans de sales bras. Facile de prévoir le destin dans 10 ans ou 3. Alors que l'homme est à son apogée, crois-tu qu'il existe un paradis sur terre et à quel endroit? Je remets en cause les mauvais choix, du nucléaire au pétrole en passant par le laxisme dans le droit. Y'a plus de saison ici, j'ai tout le temps froid. Démerdez-vous, c'est chacun pour soi. Attends que l'orage gronde, attends la fonte des glaces. Attends que la mer monte et qu'elle nettoie la crasse. Attends l'apocalypse, attends quelques secondes. Attends que la mort te fixe à la fin du monde. Attends que l'orage gronde, attends la fonte des glaces. Attends que la mer monte et qu'elle nettoie la crasse. Attends l'apocalypse, attends quelques secondes. Attends que la mort te fixe à la fin du monde. Attends que l'orage gronde, attends la fonte des glaces. Attends que la mer monte et qu'elle nettoie la crasse. Attends l'apocalypse, attends quelques secondes. Attends que la mort te fixe à la fin du monde. Attends que l'orage gronde, attends la fonte des glaces. Attends que la mer monte et qu'elle nettoie la crasse. Attends l'apocalypse, attends quelques secondes. Attends que la mort te fixe à la fin du monde.